À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les militaires et civils, jeunes et enfants coréens, ont visité les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées partout dans le pays pour rendre hommage. Sur la colline Mansu se trouvait la corbeille de fleurs du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. On y a déposé les corbeilles et bouquets de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que des unités d'activité, des entreprises, des usines et des écoles de la ville de Pyongyang. Les membres de la succursale de Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste y ont déposé également une corbeille de fleurs. Les visiteurs se sont inclinés devant les statues en bronze. Par ailleurs, les corbeilles de fleurs ont été déposées aussi devant les statues en bronze aux portraits en sourire des grands hommes construites à Pyongyang et partout dans le pays, comme à l'Université Kim Il-sung, à l'Académie militaire interarmes Kim Il-sung, au ministère des Forces armées populaires, au ministère de la Sécurité du Peuple, au centre de création artistique Mansudae, ainsi que dans les autres provinces.